Hey Blockbuster, alors merci pour l'émission sur Attaque des Titans, qui est vraiment un super manga qui gagne à être connu. Du coup, quand j'écoutais la radio, il y a ma compagne qui m'a demandé « Mais c'est quoi l'Attaque des Titans ?» Alors du coup, je commence à lui expliquer que c'est un manga avec plein de retournements de situation, de ressorts politiques cachés. Et à ce moment précis, Frédéric, qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit « Les Titans, ce sont des Japonais bourrés qui courent tout nus. » Voilà. Alors, merci Frédéric. Chapeau, honnêtement, de faire une émission sur l'Attaque des Titans sans rien spoiler du tout. Je pense que je me souviendrai de toute ma vie de la révélation saison 2, épisode 6. Les vrais savent. Ouais, salut, Blockbuster. Donc, l'Attaque des Titans, hier, c'était bien. Je vais quand même mettre un carton jaune parce que SNK, ok, c'est les initiales de l'auteur de l'Attaque des Titans, mais c'est quand même aussi les initiales de la boîte qui a fondé la Neo Geo et qui a créé les jeux Samurai Shodown, King of Fighters, Fatal Fury et surtout Metal Slug, quoi. Hein, donc j'espère que ce soir, pour Avatar de James Cameron, ça va être différent, quoi. Allez, des bisous. Mes choux, mes beaux choux. Enfin, une émission sur Avatar, trop bien. Merci, Frétien. À tous, vous écoutez. Bisous. To be or not to be. Not to be. Aller au cinéma quand on n'a pas envie de voir un film, c'est rude. Mais aller au cinéma avec quelqu'un qui n'a pas envie de voir le film, c'est pire. Et c'est précisément ce qui m'est arrivé hier soir quand j'ai eu la très mauvaise idée de dire à ma compagne de venir voir Fast and Furious 9 avec moi. Ah, vous allez me dire, et vous auriez raison, qu'un film intitulé Fast and Furious 9 est, dès le titre, un ticket pour un voyage au royaume du malaise. Mais caressant l'envie de faire une émission sur le succès planétaire de cette franchise, je me mentais alors suffisamment à moi-même pour occulter les signaux d'alerte que représente tout film avec Vin Diesel en Marcel sur l'affiche. C'est-à-dire tout film avec Vin Diesel. Pour moi, la franchise Fast and Furious, c'est comme le lac du Connemara de Michel Sardou. Tu veux pas forcément qu'on trouve ça dans ton lecteur MP3, mais lors d'un mariage d'un pote avec 4 grammes dans le sang, ça te gêne pas de le chanter en karaoké et de faire la chenille. L'important, c'est que tout le monde soit dans le même délire. Le contrat tacite des cérémonies de mariage, c'est tout ce qui se passe sur la piste de danse, reste sur la piste de danse. Pour résumer ce que ça m'a fait d'aller voir Fast and Furious 9 hier avec ma compagne, disons qu'hier j'ai chanté le karaoké du lac du Connemara pendant 2h23, sauf qu'elle, elle était sobre. France Inter, Blockbuster, juste ici ça là. Frédéric Siglist, l'eau, la terre, le feu. Ma grand-mère me racontait souvent des histoires des temps anciens. Une époque de paix durant laquelle l'Avatar maintenait l'équilibre entre les tribus de l'eau, le royaume de la terre, la nation du feu et les nomades de l'air. Mais tout a changé lorsque la nation du feu voulut prendre le pouvoir. Seul l'Avatar, maître des quatre éléments, lui seul pouvait arrêter les impitoyables maîtres du feu. Mais lorsque le monde eut besoin de lui, il disparut. Si on devait retracer l'histoire des dessins animés américains de ces 20 dernières années, il y a fort à parier qu'Avatar, le dernier maître de l'air, serait considéré comme un moment charnière. Que ce soit par la qualité de son histoire, de son animation et de sa portée philosophique, Avatar a séduit le public bien au-delà des enfants et est devenu la référence de l'animation jeunesse de qualité. Pour revenir sur ce dessin animé culte, j'ai à mes côtés Lucille Alesson, alias Galtea, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Cartoon Fantasy, la première communauté d'Europe de fans francophones d'Avatar, un média communautaire sur tous les cartoons et l'animation occidentale dont Avatar, la légende de Korra et Steven Universe sont les pierres angulaires. Exactement. Avec nous également Cédric Depape, bonjour, alias ThunderGeek. Bonjour. Vous êtes streamer et chroniqueur pour l'émission Pop Culture et Jeux Vidéo Hyperlink sur Twitch et YouTube, mais aussi pour l'émission MangaCast, disponible en podcast sur mangacast.fr, et vous êtes également chroniqueur pour l'émission Le Cri du Moshi, disponible sur Twitch. Tout à fait. Avec nous, on est ravis de l'avoir avec nous aussi, Maxime Martinez, alias Baitel, bonjour. Bonjour. Vous êtes streamer pour la chaîne Le Stream sur Twitch et chroniqueur manga chez Mangasur, une émission que l'on peut retrouver sur YouTube et sur la chaîne Twitch de JVTV, la web télé des jeux vidéo. Alors, petite précision, c'est sur twitch.lestream maintenant. Le JVTV, malheureusement, a disparu, mais c'est donc vous du coup mettez sur des points, des slash et tout voilà. Ça, mais tout sera bien indiqué sur le site, soyez rassurés. Ensemble, on va revenir sur la création d'Avatar, le dernier maître de l'air. Comment ce dessin animé a-t-il été pensé et réalisé? Quelle est sa thématique, sa réception par le public? On parlera évidemment de l'adaptation en film par Night Shyamalan et de la suite, La Légende de Korra, moins célébrée, mais pourtant tout aussi brillamment réalisée. Allez, laissez-vous porter par les éléments. En route pour découvrir le fabuleux monde de l'Avatar. Pourquoi tu ne nous as jamais dit que c'était toi, l'Avatar? Parce que... j'ai jamais voulu l'être. Mais Aang, le monde entier espère depuis des années que l'Avatar revienne et mette enfin un terme à cette guerre. Comment veux-tu que j'y arrive? Si j'en crois la légende, il faut d'abord que tu sois maître de l'eau, puis de la terre et du feu, c'est ça? C'est ce que les moines m'ont dit, oui. Alors, si on se rend au pôle Nord, tu pourras maîtriser totalement l'eau. Oui, on pourra apprendre ensemble. Et toi, mon frère, je suis sûre que tu pourras te battre avec d'autres maîtres du feu en chemin. J'adorerais ça. Ouais, j'adorerais vraiment ça. Alors on y va tous les trois. Lucille, Maxime, Cédric, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de voir Avatar, le dernier maître de l'air, et expliquer de quoi ça parle, Lucille? De quoi ça parle, Avatar? Avatar, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé américain qui a avant tout une forte inspiration asiatique. Et ça parle d'un univers où la culture est basée sur la maîtrise des éléments, les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et donc ils sont donc séparés en quatre peuples, assignés à quatre éléments. Et nous allons suivre les aventures de l'Avatar, le seul qui peut maîtriser les quatre éléments, et de son chemin pour rétablir l'équilibre du monde. Très bien. Et alors, par qui ça a été créé, ce dessin animé? Ça a été créé par deux créateurs. Il n'y a pas qu'un seul créateur, il y a deux créateurs qui sont donc Brian Konietzko et Mike Dante DiMartino, qui sont deux Américains qui ont travaillé ensemble sur Family Guy et d'autres séries. Et ils étaient ensemble à l'école et ils sont allés pitcher leur projet à Nickelodeon, qui a signé au début pour 10 épisodes et après pour les 3 saisons que l'on connaît. Cédric Depape, vous avez découvert dès la première diffusion Avatar ou c'est un peu plus tard? De mémoire, oui, c'était la première diffusion qui était sur TF1, en français bien sûr. Ça a été un gros choc pour moi, parce que j'avais déjà une affinité avec le monde des mangas et des animés depuis les années 90 via le Club Dorothée, Dragon Ball, et après la seconde génération avec tout ce qui était Pokémon. Et là, on était sur quelque chose, comme on l'a dit, d'hybride, parce qu'on était sur un projet américain de Nickelodeon qui était connu pour avoir fait des séries comme Les Razmoquettes, Bob l'Éponge, et qui proposait une série qui était feuilletonnante. Il fallait se rester en place pour suivre l'aventure de Aang et de ses amis. Et on voyait aussi plein de références venant de l'Asie, mais aussi du cinéma, des arts martiaux, qui avaient été comprises et digérées par des créateurs. Et ça n'avait pas fait un choc, je pense, aussi grand pour moi depuis Matrix, en fait, qui avait la même idée derrière de prendre une culture qui n'est pas celle des créateurs et de la redonner avec la leur, en fait. Maxime Martinez, vous avez découvert Avatar à quelle occasion? Eh bien écoutez, j'ai dû découvrir aussi à peu près sur la première diffusion. Moi je suis un tout petit peu plus jeune que vous, je pense. J'avais déjà effectivement cette affinité, comme tu l'as dit tout à l'heure, autour de Pokémon. Donc effectivement, il y avait déjà ce rapport avec la culture asiatique en règle générale. Et puis même dans les techniques d'animation, on a tout de suite retrouvé quand même beaucoup de similitudes. Et donc ouais, je pense que j'ai dû découvrir ça. On va dire pas forcément sur la première année de diffusion, mais bien sur la deuxième, quand j'ai été un tout petit peu plus en âge pour comprendre vraiment l'univers. Et est-ce que vous êtes capable de me dire comment a été reçue cette série d'abord aux États-Unis, parce que c'était quand même le marché principal pour lequel elle était destinée, et ensuite par le reste du monde? On a vraiment l'impression que c'est une série, un dessin animé qui est arrivé et qui a pris un petit peu tout le monde par surprise. Et du coup, ensuite, ça a généré énormément de dessins animés qui se rapprochent du modèle d'Avatar. Lucille. C'est vrai que ça a choqué un peu de monde comparé à ce que faisait Nickelodeon à la base, parce que c'était un projet qui était un peu plus unique. On était effectivement, comme disait Cédric, sur un côté qui était donc pas juste répétitif sur des épisodes humoristiques, mais sur une trame et surtout sur le fait de poser un univers et quelque chose. Les créateurs ont même dit vouloir quelque chose dans le sens Legends and Lore, et voulaient s'inspirer de la manière dont sont posés les univers de Avatar. d'Avatar de Harry Potter et de Tolkien dont, dans leur création. Donc on n'arrive pas juste avec une histoire humoristique pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui précède, une civilisation, des traditions. Et d'ailleurs, les avatars ont précédé Aang, le héros qui est tout jeune, il a 12 ans. Il a 12 ans. Et donc on a toute la culture des autres avant lui qui nous est exposée, on a sa culture à lui, et on a plus d'exposition de culture et d'histoire que sur ce qu'on avait l'habitude de voir, en fait, tout simplement, à l'époque. Maxime, vous avez parlé un petit peu de la réalisation. C'est vrai qu'aussi, ce qui frappe quand on regarde Avatar dès le début, c'est que tout ce qui est passe d'armes, combat, alors évidemment c'est avec des éléments, ils ont bien tous sûr des super pouvoirs, mais il y a une base d'arts martiaux réels qui sont illustrés et brillamment illustrés en animation. Alors oui, tout à fait. En fait, on a une série qui est allé tellement puiser fort dans la culture asiatique qu'on retrouve sur chaque élément un art martial bien précis. Donc on va avoir, je crois, le tai chi pour l'eau, qui est, on le voit tout de suite dans les mouvements qu'ils exercent. Enfin, on a vraiment quelque chose autour des quatre éléments pour montrer que chaque partie du monde, en fait, au final, possède vraiment son style à lui et montre vraiment une implication totale, je pense, des réalisateurs dans le souci du détail, faire en sorte que on ressente à quel point l'Asie est une inspiration dans Avatar, vraiment. Et Cédric, il y a eu un véritable chorégraphe qui est venu pour travailler sur les combats. Les gestes n'ont pas été faits au hasard, c'est vraiment une similitude. Non, clairement, et même si on peut pas forcément le savoir, on le ressent, en fait, comme disait Beatle, et Lucille, en fait, ce qui est important, c'est le lore, en fait, c'est l'univers et comment il est développé. Et les créateurs sont pas... Alors le lore, c'est les éléments de la mythologie. C'est ça, la cosmogonie. Voilà, cosmogonie, c'est parfait, c'est la cosmogonie. Cosmogonie, ah bah oui. Dans un univers comme Avatar, en fait, ce qui est très important, c'est la vraisemblance, en fait. Ce qui a fait que ça a appelé les gens tout de suite, c'est que ça a pris tout de suite des vraies cultures asiatiques. C'est un monde où il n'y a que des peuples et des différentes peuplades, des nomades asiatiques qui sont repris de vraies ethnies existantes. On a les Inuits, les Japonais, les Chinois, les Coréens aussi. Les Coréens aussi. Amène à des réflexions en plus philosophiques, politiques, ethnologiques, ethnocentriques, parce qu'il y a toutes plein de corrélations qui vont se passer. La tribu du feu, avec son envie de domination, rappelle énormément le Japon de la Seconde Guerre mondiale et ce qu'ils ont fait aux autres pays à cette époque-là. Et donc, pour retranscrire ces arts martiaux, il fallait que ça soit en corrélation avec les peuples. Donc, les deux peuples les plus, on va dire, offensifs, qui sont le peuple de la terre et du feu, ont des arts martiaux offensifs. L'air et l'eau, qui sont plutôt des peuples un peu en retrait, qui ont subi beaucoup les affres de la guerre, sont sur des philosophies plutôt de arts martiaux défensifs. Et ça, on le retrouve aussi, cette philosophie, dans des films bon, un peu décriés maintenant, mais comme les Karate Kid, que ça soit l'ancienne version ou la dernière mouture faite par Jackie Chan, qui expliquait très bien, Jackie Chan le disait dans le film, il disait le kung-fu est dans tous les mouvements de la vie, et c'est ce qu'on retrouve dans Avatar, en fait. Les mouvements du quotidien inspirent les mouvements des maîtres de l'air, du feu, de l'eau, et c'est ce qui donne l'impulsion pour créer l'élément, en fait, et leur permettre de se battre et de vivre. Alors là, je me permets de glisser une incise et de dire aux auditeurs que une émission prochaine traitera de Cobra Kai, la suite de Karate Kid. On est ensemble donc pour parler d'Avatar, et l'Avatar maîtrise les éléments, la terre, le vent, le feu. Earth, Wind and Fire. Et là, vous me voyez arriver. Hey, Water étant le poste qui reste à pourvoir, on écoute Earth, Wind and Fire avec September. Dancing the night. c'était September d'Off, Wind and Fire dans Blockbuster sur France Inter. Recommence. Mais non, la puissance de la maîtrise du feu vient du souffle, de la respiration, pas des muscles. La respiration se transforme en énergie dans le bas de l'abdomen. L'énergie accumulée se dilate et jaillit de tes membres sous forme de feu. Vas-y, refais-le correctement. Non, ça suffit. J'ai travaillé cet exercice toute la journée. Enseignez-moi les exercices suivants, je suis plus que prêt. Non, tu es trop impatient. Tu dois d'abord parfaitement maîtriser les bases. Recommence tout de suite. Les sages et les anciens nous ont dit que l'avatar était le dernier maître de l'air. Il doit avoir plus de 100 ans aujourd'hui. Il a eu un siècle pour maîtriser les quatre éléments. Il me faut beaucoup plus que les bases de maîtrise du feu pour le vaincre. Vous devez m'enseigner les figures du niveau supérieur. Très bien, je le ferai. Mais avant, je dois terminer mon canard rôti. Lucille, on vient d'entendre le prince Zuko et son oncle, l'incroyable et charismatique Hiro. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter justement les personnages d'Avatar ? Alors, les personnages principaux, on a, comme on le disait, donc l'Avatar, lui-même, le dernier maître de l'air, c'est le titre du dessin animé. On a Aang, du coup, qu'il s'appelle. C'est un moine de l'air et donc c'est le dernier maître de l'air. C'est-à-dire que toute sa nation a été exterminée par la nation du feu. Ce qui fait donc une dualité pour lui et un des enjeux de son évolution de personnage. Et surtout, elle a été massacrée parce qu'il n'était pas là. Exactement. Parce qu'il y a un élément très très important, c'est que quand il a su qu'il était l'avatar et qu'il allait devoir l'être beaucoup plus tôt que les autres, parce que la nation du feu commençait déjà à menacer les autres pays, il s'est enfui parce qu'il allait être séparé de son précepteur et il est resté prisonnier dans la glace lors d'un orage, et sauf qu'il en est sorti 100 ans plus tard. Exactement. Aang, c'est un enfant, il a 12 ans. Et à 12 ans, on lui explique ni plus ni moins que le destin du monde repose sur ses épaules. Et c'est compliqué, c'est une décision qui est compliquée, une réalité qui est compliquée à digérer pour lui. Et donc, en fuyant pour essayer de gérer ça, il va tout simplement se retrouver emprisonné dans un iceberg et se faire réveiller 100 ans plus tard. 100 ans plus tard par... À la Captain America. Exactement. On est un peu sur la même idée. Il va se faire réveiller par un frère et une sœur, donc membres de la tribu de l'eau du pôle Nord, qui donc sont Sokka et Katara, qui vont lui réenseigner ce qu'est devenu le monde et eux apprendre à vivre avec le fait que l'avatar peut-être les aider et découvrir le monde eux aussi par le voyage et par aussi l'épanouissement et l'apprentissage, parce qu'ils vont tous apprendre quelque chose, et quelque chose qui est très fort dans Avatar, c'est la construction de personnages et l'évolution de personnages. Ils vont être rejoints dans la saison 2 par une maître de la Terre. Et le meilleur personnage, on est d'accord. Hein, l'un des meilleurs, clairement. Oui. Voilà, Toph. Une petite fille aveugle. Aveugle, oui, parce qu'en plus, on perd. Mais badass au possible. Exactement. On traite beaucoup de, on traite de handicap et de difficultés beaucoup dans un dessin animé qui est pour enfants. Dans la saison 2 aussi, où on va retrouver un petit garçon qui est extrêmement actif, mais qui est en fauteuil roulant en plus. Et on a plein de personnages qui vont devoir, notamment donc Zuko, qui est aussi un personnage principal, qui est l'antagoniste de Aang au début. Je sais pas à quel degré de spoiler on a le droit de profiter. On va en parler parce que on a fait une présentation des personnages principaux et c'est vrai que Avatar est beaucoup plus connu qu'il n'y paraît, parce que les enfants regardent, mes enfants connaissent aussi, Benjamin Ducy arpentait les rues à la recherche de fans d'Avatar et il a découvert que le dessin animé provoquait autant de bons souvenirs chez les enfants que chez leurs parents. Pour bien rendre hommage à Avatar, il faut déjà bien se souvenir des bases de l'histoire. Pour ça, on va demander aux enfants. Les quatre éléments que certaines personnes peuvent maîtriser. Et il y a une personne qui s'appelle l'Avatar qui peut maîtriser les quatre, qui à un moment s'est coincé dans un glacier. Je peux aller faire pipi. Et pas de pause pipi. Oui, et il était sur comme du glace. Il y avait sur un carré de glace. Et après, J'aimerais un tatou. Merci quand même. Un personnage préféré peut-être? Sokka. Oui, moi aussi je l'aime beaucoup. Lui il ne maîtrise rien du tout mais je trouve qu'il est assez drôle, il essaye de dire que c'est un grand guerrier, etc. C'est pas du tout vrai, en vrai il est drôle. Mais c'est quoi qui est si cool dans Avatar? Moi j'aime bien le côté fantastique. Et aussi le côté drôle des personnages. Bon, on va dire que ça ira. Et pour ce qui est de l'essence d'Avatar... Oui, oui, jeune fille, vous vouliez rajouter quelque chose? Les personnes, c'est un peu comme des elfes, un peu. Ils sont... Bah, après, je sais pas trop, mais je sais à quoi ça ressemble. Je ne sais pas comment je sais, mais ce que je sais, c'est que je le sais. Merci, mais je sens qu'on dévie un peu du sujet. Pour ce qui est donc de l'essence d'Avatar et de son pouvoir nostalgique, on va plutôt demander aux parents cette fois-ci. Ça fait déjà plus que 10 ans à peu près que j'ai vu ça à la télé. C'était la jeunesse, quoi. C'était des bons moments devant la télé avec parfois la famille. J'aimais bien, ouais. J'aimais bien, j'aimais beaucoup, ouais. Et on regardait les séries, même si c'était, il n'y avait pas de continuité, parce qu'après j'ai vu les autres épisodes qui sur internet, quoi. Internet. Et puis pour finir, pour le simple plaisir de vous entendre vous insurger et hurler en studio, je crois qu'on va finir avec cet avis très assumé dont j'ai moi-même encore beaucoup de mal à me remettre. J'ai trouvé l'adaptation au cinéma encore mieux que le dessin animé. Ouais. Ah, il manque que la vidéo, hein. Vous auriez vu la réaction autour de la table. What? Alors, on a pu le voir, Avatar a encore a laissé de très très beaux souvenirs à plein de monde dans la rue. Et justement, j'aimerais vous faire rebondir là-dessus, parce que souvent les gens, à l'issue des différents blockbusters que je peux faire, me disent « Ah oui, mais c'était pas grand public aujourd'hui. » Or, en fait, non, c'est pas parce que vous n'êtes pas le public que ça n'est pas grand public. C'est-à-dire que Avatar, c'est connu par des milliers d'enfants, qui sont devenus des jeunes adultes, etc., par des adultes aussi. Il y a quelque chose de... Comment vous avez fait pour pérenniser la mémoire d'Avatar à votre échelle? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut les voir sur Netflix, mais comment ça s'est transmis? Est-ce que c'est vraiment tout est passé par le net? Ah, déjà, je pense que oui. Enfin, alors, je pense qu'il y a deux cultures. Il y a vraiment la culture de masse qui a regardé via TF1 et les plusieurs rediffusions de TF1, puis ensuite Netflix, comme on le disait, qui ont permis de pérenniser pour une large partie du public. Et il y a un public un peu plus niche qui voulait par exemple voir la VOST, qui à l'époque de la diffusion voulait un peu voir les saisons en avance parce qu'il y avait un peu de retard entre la diffusion américaine et la diffusion française, qui allait se renseigner sur des sites comme Avatar Rims à l'époque et qui permettait d'avoir accès, de façon pas très très légale à l'époque, mais on était à la grande époque du piratage, c'était vraiment très avant. Et il y avait l'équipe d'Avatar Rims faisait du sous-titrage, chose qui n'existait pas en France avant les sous-titres de Netflix. Enfin, il y avait vraiment une communauté qui s'entraidait parce que, à la manière des animés, comme je le disais au tout début, Avatar, c'est un dessin animé qui ne prend jamais personne, adulte comme enfant, pour un idiot. Il parle simplement, il parle avec beaucoup de légèreté, par moments de sujets très graves. Il sait parler de sujets graves, toujours en gardant vraiment une atmosphère faite pour que les enfants ne soient pas trop traumatisés de ce qu'ils voient. Mais jamais, au grand jamais, on ne prend les personnes pour des idiots. En fait, et je pense que c'est la force d'Avatar qui va ensuite pérenniser beaucoup d'autres dessins animés américains, que ce soit Adventure Time, Gravity Falls... Le Prince Dragon sur Netflix, qui pourrait vraiment être le digne successeur de l'esprit d'Avatar, à la fois dans son traitement de certains handicaps, de la représentation aussi, parce que Avatar ne s'est pas arrêté avec le dernier maître de l'air. Il y a aussi la légende de Korra, qui est un des premiers personnages dans un dessin animé américain qui est clairement catégorisé LGBT, c'est-à-dire qu'elle a une relation amoureuse avec une autre femme et c'est assez clairement montré. Bah oui, c'est même carrément clairement montré. Et puis c'est quelque chose qu'on va suivre en filigrane sur toute la légende de Korra. On va avoir une évolution, on va avoir une recherche d'identité aussi du côté de Korra sur les saisons. Et c'est ça qui est très fort, c'est que comme il le dit, on ne prend jamais le spectateur pour un idiot. On a tout est correctement expliqué en fait. Et je pense que c'est ça qui englobe au final Avatar, même Avatar, le dernier maître de l'air et la légende de Korra, c'est la cohérence de son univers et que tout s'imbrique parfaitement. C'est ça en fait vraiment la puissance au final de cet univers-là qui a été créé. Et moi j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je ne démords pas. C'est regarder Avatar, que vous soyez adulte ou enfant, vous avez un univers devant vous qui est extraordinaire, qui est bien plus large que ce qu'on pense, parce qu'il y a des histoires qui ne sont pas encore racontées, il y a encore plein de choses qui peuvent sortir. On a les comics ou autres qui continuent de propager encore. Vous demandiez tout à l'heure comment on a transmis tout ça, bah, ça passe aussi par, par exemple, le grand frère qui recommande au petit frère. Enfin, moi, je pense que c'est un truc qui est important à garder et qui peut vous permettre, en tant que jeune adolescent, potentiellement, même de se construire vis-à-vis de certains problèmes, vis-à-vis de certains dilemmes. C'est quelque chose qui est très réel dans Avatar. Lucille ? Moi, je pense que Avatar et autant la légende de Korra, c'est toujours d'actualité et ça va être compliqué que ce ne soit plus d'actualité. Les problématiques personnelles sont. Les problématiques personnelles des héros, elles font évoluer, elles évoluent autant avec le public qu'avec les personnages. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai qu'ils continuent à en parler après, au-delà des comics qui suivent les aventures de Aang et de Korra. Il y a eu des livres récemment sur Kyoshi, un avatar avant Aang. Et ils continuent à explorer, et là, à l'heure actuelle... Oui, parce qu'il faut insister sur ça, le fait que l'avatar se réincarne perpétuellement, oui. Et il lui arrive d'être une femme, d'être un homme. D'ailleurs, il y a une séquence dans un dessin animé où il est face à une statue de ses anciennes incarnations. Il est avec des enfants, donc c'est Aang de 12 ans, et les enfants lui disent « Oh, tu étais très belle avant !» et voilà, c'est quelque chose de totalement naturel de passer d'un corps à l'autre au fur et à mesure de ses réincarnations. Donc il y a aussi cette dimension-là. Mais c'est dû à la philosophie, tout simplement, de ce que c'est qu'un avatar dans la mythologie, enfin dans la religion hindouiste. Vraiment, c'est un élu de Dieu sur Terre. C'est comme ça, en tout cas, que ça nous est présenté dans Last Airbender. Korra développera un peu plus les origines de l'avatar, mais l'avatar est l'être qui fait le lien, au demeurant, qui maîtrise les quatre éléments. Il maîtrise les quatre éléments parce qu'il est celui qui fait le lien entre les esprits et les hommes et qui doit permettre l'apaisement et l'harmonie. C'est d'ailleurs le conflit interne de Aang, en fait, c'est qu'on lui dit très vite, il va falloir tuer le Seigneur du Feu. Pour ramener le bataille d'équilibre. Seulement, Aang, c'est un moine, il est végétarien, c'est un pacifiste, il fait en sorte de jamais tuer personne. Il y a un épisode où il doit tuer un animal parce que son partenaire est en danger, il s'en veut énormément. Donc, c'est vraiment la chose de se dire, est-ce que je peux être le symbole qui amène une forme de paix, en tout cas une forme d'harmonie, tout en proférant des actes qui sont quand même répréhensibles, comme le fait de tuer. Est-ce que c'est légitime de tuer, même si je suis le héros, le good guy? Est-ce qu'il n'y a pas une voie plus apaisante? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Alors, le dessin animé, il répond de manière comme un dessin animé peut le faire. C'est-à-dire que la vraie vie, malheureusement, ne peut pas forcément toujours avoir ces alternatives-là. Mais la série propose vraiment ce truc de se dire, même les méchants peuvent avoir une forme de rédemption, et même s'ils ne sont pas sauvables, il faut quand même trouver un moyen de sauver le plus de gens possible, quoi. On est ensemble ce vendredi avec Lucille Alesson, Cédric Despape et Maxime Martinez pour parler d'Avatar, le dernier maître de l'air. Mais pour le moment, on va faire une petite pause musicale avec la femme qui nous interprète Le sang de mon prochain. Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mes mamans pour y planter mes dents. Tu peux me voir dans le noir. Et peut-être que ce soir je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Je suis le spectre qui te voit et qui te... C'était Le sang de mon prochain par La Femme. Mmh, vous êtes bien sur France Inter. Blockbuster. C'est une super émission, on dit plein d'horreurs avec Frédéric Sigrist. Avatar a eu droit à une adaptation en film réalisée par Night Shyamalan, le réalisateur du Sixième Sens et Incassable. Et ce film, y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. C'est vraiment pitoyable d'avoir une telle adaptation, une telle médiocrité. Pourtant, en voyant La Jeune Fille de l'eau, je m'étais dit qu'on avait peut-être été trop cruel avec Shyamalan et qu'il méritait peut-être mieux. Visiblement, je me trompais. Le casting, pas un pour rattraper l'autre, sauf peut-être Noah Ringer, plus pour sa ressemblance physique avec Hank que pour son interprétation déplorable. Les personnages dont les caractéristiques sont loin d'être fidèles à la série. Bref, ils sont tous ennuyants, sans aucune profondeur, dénués d'un quelconque intérêt, pourraient nous tous crever qu'on s'en pèterait la nouille. L'univers, l'histoire, les persos, on torche tout rapidement et mal. De toute façon, on n'a pas le temps parce qu'il y a les combats. Les combats sont mous, lents, longs, interminables et même pas beaux. Aucun rythme, aucune intensité, l'absence quasi totale de maîtrise. C'est pas comme si c'était un des points les plus importants dans l'univers d'Avatar. Les dialogues, c'est du rembourrage verbal, rien de plus. Un mauvais moment à passer. Voilà, c'était un petit florilège des commentaires qu'on a pu glaner sur le net concernant le film de Night Shyamalan. Alors, on a aussi entendu dans le micro-trottoir qu'il y avait une personne, et au moins une. Probablement la seule. Hein. Voilà, la seule au monde. Peut-être, la sœur de Night Shyamalan ou la maman de Night Shyamalan. Elle l'a pas dit, mais qui a trouvé le film meilleur que la série. Donc, que penser de ce film? Je vous écoute. Bah, déjà, faut recontextualiser un truc. M. Night Shyamalan, donc, c'est un réalisateur, donc, très connu, comme on le dit, pour Sixième Sens, Incassable, qui fait beaucoup de films à twist, à retournement. Pas que, hein, je grossis le trait énormément. Au moment du dernier Maître de l'air, il était déjà un peu sur une pente descendante. Ça faisait quelques films que, il marchait plus autant que ça. C'est-à-dire que les débuts étaient tellement explosifs qu'il a fait que redescendre. Oui, il y a eu Signe, Le Village. Voilà, c'est ça. À partir de Signe, ça a commencé un petit à petit à redescendre. Au moment d'Avatar, on est entre Avatar, Phénomène. Enfin, c'est vraiment le creux de la vague pour lui. Déjà, je pense pas qu'il ait eu tout pouvoir décisionnaire sur tout ce qu'il voulait sur Avatar. En plus, c'est compliqué de faire une adaptation d'une série parce qu'il devait adapter en 1h45, 2h, une saison de 26 épisodes. C'est impossible. Maintenant, le film a beau être pas bon, je suis pas un grand fan du film, tout n'est pas acheté. Il a quand même essayé de respecter l'univers, au moins sur les visuels, il a essayé de respecter certaines des philosophies. Le changement le plus étrange pour moi, mais je peux le comprendre, c'est que la Nation du Feu est devenue indienne et non plus japonaise, mais au vu des origines de Shyamalan, peut-être qu'il voulait traiter quelque chose qui le touchait personnellement. J'avais cru comprendre qu'il y avait un rapport avec sa famille, quelque chose qu'il voulait traiter dans le personnage de Zuko. Donc, on sent quand même que le projet lui a plu, le film n'est pas... On sent qu'il y a quand même quelqu'un derrière, et que c'est juste, je pense... C'est pas possible d'adapter une série de 26 épisodes en un film de 2 heures et de garder surtout la complexité quand de la série est d'aussi bonne qualité et le matériel de base est déjà ça suffit presque à lui-même. C'est il faut pouvoir se confronter au modèle originel et se dire peut-être que ça valait pas le coup, c'est il y a pas d'embellie. Lucille, qu'en avez-vous pensé? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas expressément fan, mais effectivement, il a des bons côtés. Ne serait-ce que par tous les gens qui ont pu découvrir l'univers d'Avatar avec ce film, et ce qui leur a permis d'après de regarder le dessin animé. Et j'en connais plein. J'ai plein d'amis qui ont dit « Ah non, moi je connais, j'ai regardé le film, c'était pas ouf. » Et puis après, ils sont venus et ils ont regardé la série, je leur ai fait « Oui, mais regarde. » Et après, ils ont dit « Ah oui, c'est pas la même chose. » Donc, le fait que ça les ait amenés à découvrir la série et l'univers, c'est une bonne chose. En plus, visuellement parlant, il y a des choses qui sont magnifiques dans le film. Mmh. Mais bon, après, c'est vrai que on ne peut pas transposer. Et en plus, un dessin animé qui est fait pour une chaîne câblée américaine, il n'a pas un même public qu'un film hollywoodien destiné à un public international. Mmh. C'est aussi de là que vient le fait que tout ait l'air un peu plat, parce qu'on peut se permettre moins d'originalité, parce qu'il y a plus de gens qui vont regarder. Politiquement parlant, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans un film qui passe sur une série télé à but de jeunesse, sur une chaîne câblée encore. Ce qui est totalement paradoxal, finalement. Bah oui, mais si on veut diffuser son film en Chine, par exemple, en plein milieu de la période où tout le monde est en mode Free Tibet, on ne peut pas avoir une nation asiatique en train d'en éradiquer une autre. Oui, disons que les Indiens font un peu moins asiatique dans leur tête par rapport au film. Mais c'est très intéressant parce que ça explique aussi pourquoi il y a cette pudeur de certains grands studios hollywoodiens dans les adaptations, notamment pour tout ce qui a trait à la représentation de la communauté LGBT. Donc on va les mettre dans un plan qui sera très très facilement expurgeable une fois qu'on va l'envoyer en Chine. Non, c'est jamais arrivé dans notre film, pour que le public chinois ait l'impression que ça n'existe absolument pas. Et donc il y a aussi ces enjeux politiques de marché à conquérir, et donc faut pas les froisser. C'est ça, ça donne un truc un peu plat du coup, parce que pour plaire au plus de monde possible, et ben même si ça marche pas, ben pour être sûr de pas prendre de risques, et ben on fait quelque chose d'un peu plat. Donc est-ce qu'en filigrane, on serait en train de dire que l'animation jeunesse et les dessins animés pour enfants auraient une marge de manœuvre et de latitude finalement plus grande que le cinéma ? Oui, je pense. Bingo ! Ça, il n'y a pas de débat, je pense. On le voit même à l'heure actuelle où Disney est contrôle fric de tous ses projets cinéma et séries live, où il y a beaucoup d'enjeux. Il y a un tout petit peu moins d'enjeux sur les dessins animés. Et on alors, voit je vais traduire. Animation. Obsédé du contrôle de ces séries faites avec des acteurs de chair et de sang. Voilà, parce que vraiment, il y a des anglicismes sur France Inter. Il y a des gens qui font des pirouettes chez eux. Bah, effectivement, donc du coup, on voit que les séries et les films avec des acteurs génèrent plus de budget et plus de revenus. Donc, les producteurs sont beaucoup plus enclins à faire en sorte que tout soit contrôlé de A à Z. Là où la branche Disney Animation et surtout Disney Animation, les séries télé, ont un peu plus de liberté parce que ça rapporte un peu moins d'argent et ça permet souvent aussi, mais c'est là dans l'essence même par exemple de Disney, de créer des nouveaux animateurs, des nouveaux viviers. Donc on les fait commencer sur des choses des fois peut-être plus futiles, entre gros guillemets. Je pense que Disney a quand même le soin de ses animateurs, mais ça rapporte moins d'argent qu'un Marvel ou un Star Wars. Donc on peut se libérer, on peut se lâcher. Et comme le disait Lucie, une chaîne câblée n'a pas les mêmes audiences qu'une chaîne publique, et donc on voit avec HBO qui peut se permettre beaucoup plus de choses. Avatar des fois même trop, les contraintes sont génératrices de liberté. Des fois j'aurais envie de dire à HBO, non, c'est bien aussi de vous retenir un petit peu. Voilà, parce que là on a fait quand même 15 minutes de gens tout nus, ça fait beaucoup surtout qu'ils étaient juste partis prendre un poney à la base, enfin je comprends pas. Mais au final le film Avatar, il a beaucoup de défauts, mais il y avait un youtubeur américain, le Nostalgia Critique, qui est l'un des pères de YouTube américain, qui disait tout simplement, en parlant de ce film, il en parlait très mal, mais il finissait sur une note que je trouvais plutôt bonne, qui disait ça peut pas faire de mal à la série. En fait, la série est tellement bonne et tellement intouchable, le film n'a pas pu vraiment l'écorcher. On n'est pas sur le cas d'un Batman où ça a bloqué la licence pendant des années, en fait. Ça n'a pas bloqué spécialement Avatar à l'époque, Korra s'est lancé un petit peu après. Donc, le film, c'est un ricochet sur la blindage. Sachant que, grâce au film, il y a beaucoup de choses du film qui ont aidé à former Korra, en fait, tout ce qu'il y a dans Korra. On a certaines chorégraphies ou certains éléments de mise en scène qui sont directement inspirés du film et qui n'auraient pas existé sans le film. On a aussi des gens qui étaient très fans de la série, et donc par exemple donc Seychelle Gabriel, donc la doubleuse d'un des personnages principaux dans The Legend of Korra, qui était actrice dans le film, qui jouait donc la princesse Yue avec les cheveux blancs, pour ceux qui ont vu. Et donc c'est ce genre de personnes qui, grâce au film, ont pu amener à étendre l'univers. Donc il a eu des effets négatifs, mais rien qui puisse entacher l'univers de la série. Quelque chose malheur est bon. Voilà, j'ai envie de lâcher une maxime de temps en temps, parce que c'est important les maximes. Vous savez, c'est constitutif du vivre ensemble. On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais avant cela, on écoute Billie Eilish avec Your Power. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et notre stagiaire Robinson Radonac, et notre stagiaire réalisation Véronique Meyer. Et aujourd'hui à la technique, Clément Berman et Alexandre Chenet au mixage. Try not to abuse your power. I know we didn't to change. You might not want to lose your power. What happened is so strange. She said you were a hero, you played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hard, and you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes, but now she's got to get to class. How dare only feel bad when they find out if you could take it all back. Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but I've been in so strange. My fault, you were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage, and you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Turns out that they kill your contract. Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might. C'était le spleen infini de Billie Eilish avec Your Power dans Blockbuster sur France Inter. Qui sont toutes ces personnes ? J'en sais trop rien, mais elles ne me sont pas complètement inconnues. Regarde, lui c'est un maître de l'air. Et lui un maître de l'eau. Tous alignés sur le même modèle. Air, eau, terre et feu. C'est la roue des réincarnations de l'avatar. Tu as raison, ce sont des avatars. Toutes ces statues correspondent à tes vies antérieures. Eh ben, dis donc, il y en a des milliers. Ces vies antérieures ? Katara, tu vas pas me dire que tu crois à ça ? Mais je t'assure, quand l'avatar meurt, il se réincarne dans le peuple suivant. C'est le cycle de ses incarnations. Depuis le début de cette émission, vous entendez des extraits d'Avatar, le dernier maître de l'air dans sa version française. Donc vous avez Gwenaëlle Sommier qui double Aang, Laura Préjean qui double Katara, Tony Marot qui double Sokka, Alexis Thomasian qui double Zuko et Lucille Boulanger qui maintenant qui elle double Toph, mais on l'a pas entendu. Donc voilà, Marc Casso qui double Hiro. Voilà, c'est fait. Moi j'aime tellement Toph que je la cite même quand on l'entend pas, parce qu'elle est toujours un petit peu là dans mon esprit. Je comprends. Et justement j'ai une question à vous poser, quel est votre personnage préféré, Maxime ? Oh bah moi ça va être Hiro, de très très très très loin. Parce que, L'oncle sage, et puis il a du caractère, le petit père Hiro. Non, c'est, en fait ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un personnage qui a développé tellement de choses dans l'univers, qui a amené tellement de sujets, puisque il a trahi sa patrie. Enfin, il y a énormément de choses. Il a perdu son fils. Il a perdu son fils. Il a trahi sa patrie pour le bien commun. Au final, c'est quelque chose qui est très au centre aussi d'Avatar, ce sujet du bien commun. Et on a clairement une pierre centrale avec la façon dont va agir Hiro dans toute la série au final. Et puis c'est aussi le premier personnage qui ne permet de pas essentialiser la Nation du Feu. Tout à fait. Parce que comme il vient effectivement de cette nation, on se rend compte que ils sont pas tous pourris, ils sont pas tous méchants, et ils sont aussi capables de noblesse d'âme. Et puis on voit aussi que les ravages de la guerre ne se font pas que du côté des autres tribus, mais bel et bien aussi à l'intérieur de la Nation du Feu. Comme vous l'avez cité avec la mort de son fils. Donc non, sur ce point-là, je pense que c'est un personnage qui m'a beaucoup touché, ne serait-ce que parce que il trouve aussi sa propre rédemption avec son neveu qui est Zuko, où il va mettre tout son amour paternel en fait dans cet enfant-là, pour essayer de le guider au mieux. Et amour dont manque énormément Zuko, parce que le père de Zuko, alors dans le genre personnes toxiques et ouais. parentalité toxique, ça se pose là. Alors justement, son fils, autre mais... signe, autre gage de qualité de cette série, c'est que dans la version originale, ce personnage est doublé, si je ne m'abuse, par Mark Hamill. Donc celui qui a Luke Skywalker, qui a doublé également le Joker. Voilà, donc c'est une voix, généralement quand on la met sur un projet, là prochainement, je crois qu'il va le doubler Skeletor dans les Maîtres de l'Univers, c'est le haut du panier. Oui, clairement. Bah, Mark Hamill, c'est... Évidemment. C'est Mark Hamill. C'est Mark Hamill. Cédric, quel est votre personnage préféré ? C'est compliqué parce qu'ils sont tous très bien écrits et ils ont tous des facettes très intéressantes. Si on est plus humour, on peut aimer plus Sokka. Si on est plus un peu bagarreur, enfin si on est plus justement sur la philosophie, il y a Hiro. Moi, c'est un duo de personnages, ça serait Aang et Zuko. Pour la manière dont ils se répondent en fait l'un l'autre, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Aang déjà c'est un héros à la manière de Steven Universe, qui est une vraie série plus récente, c'est des héros qu'on appelle atypiques. Ils sont pas spécialement musclés, ils ont pas spécialement un sex appeal, enfin une manière de un charisme en tout cas, mais il y a quelque chose qui se dégage très vite d'eux. Et Aang, c'est un personnage en devenir qui a fui ses responsabilités parce qu'il avait très peur de ce qui pouvait devenir dans les mains des autres. En fait, il avait très peur du poids du symbole. Et à côté, on a Zuko, donc l'antagoniste. Qui est présenté comme un méchant avant de comprendre que c'est plus complexe que ça, qui lui justement, pareil, a une destinée qu'il a dû prendre de force, il n'avait pas spécialement envie d'aller dans ce terrain-là. Et du coup, à un moment, la série, je ne me rappelle plus si c'est dit explicitement, mais j'avais compris, moi en tout cas, que la série faisait un parallèle très net que c'est la même personne en fait, c'est la même personne qui aurait subi les deux chemins, si je fuis ma destinée ou si je dois l'embraser contre ma volonté. Et donc du coup, ils ne sont beau pas s'aimer du tout au début. Zuko déteste Aang pour justement ce côté volage, enfin le fait qu'il est très symbole, Oui, puis il plaque sur lui des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire qu'il voit dans l'Avatar un personnage hyper puissant qui a passé 100 ans à s'entraîner. Il le voit vraiment comme un ennemi et il a beaucoup de mal à assimiler qu'il a en face de lui un enfant de 12 ans. Après, surtout que il doit le rattraper. Enfin, il doit le rattraper pour retrouver une espèce d'honneur perdu auprès de son père dont on parlait. Oui. Donc, c'est très compliqué. Défiguré, c'est ça, c'est très compliqué. Sa forme de rédemption aussi dans Aang, en fait. C'est littéralement son but ultime au final quand d'autant que Zuko a aussi une sœur qui elle est vraiment la fille idéale pour son père parce que c'est vraiment la version la plus cruelle aliénée et l'intelligence de la série ne pas révéler ce personnage tout de suite. On apprend à connaître les personnages dans la saison 1 et la saison 2 amorce de nouveaux personnages dont cette sœur Azula qui est une grande surprise pour les fans parce que elle n'est jamais mentionnée ou quasiment pas. On voit une photo, on voit des petits éléments. Mais quand on découvre le personnage, c'est un grand choc, effectivement. Lucie ? Moi, j'ai une question d'abord. C'est juste dans Avatar, le dernier maître de l'air, ou on inclut... on peut inclure la légende de Korra, bien évidemment. Non, parce que moi, les gens du Discord sauront, mais moi, c'est Korra, mon personnage préféré. Oui, bien sûr. Mais justement, parlez-en, qui est un personnage féminin formidable. C'est-à-dire que déjà, dès le début, contrairement à Aang, elle est beaucoup plus autonome, plus indépendante. C'est une combattante émérite. Elle est même aussi casse-cou. C'est-à-dire que il y a plein de moments où tout le monde essaie de dire calme-toi. Et elle a totalement conscience d'être l'avatar et grosso modo déchirer sa race. Voilà, la première fois qu'on la voit, elle maîtrise déjà trois éléments. Elle doit avoir 5 ans à tout casser. C'est ça. Et elle dit d'ailleurs, vous allez devoir dealer avec ça. Vous allez c'est devoir. Ça, faire, je suis l'avatar. Vous allez devoir faire je avec. Je suis l'avatar. Viens me battre. Non, moi c'est mon personnage préféré parce que c'est un personnage qui est extrêmement humain. On peut l'aimer, on peut la détester, mais généralement on a une réaction drastique par rapport à elle. Korra est l'avatar dans un monde qui n'a pas forcément besoin de l'avatar, ou Aang est un avatar dans un monde qui a besoin de l'avatar et qui ne sait pas. Oui, parce que la technologie a évolué et on s'est détourné un petit peu de cette spiritualité et de cette philosophie qui est associée à la maîtrise des éléments. Et donc, les deux séries, qui sont toutes les deux excellentes, même si certains aiment l'une, d'autres l'autre non, faut pas les comparer, de mon point de vue. Elles se passent dans le même univers, mais les deux univers sont tellement évolués l'un de l'autre et ont tellement des problématiques différentes, tout en restant sur une base similaire, qu'elles sont pas comparables. Donc moi, j'apprécie énormément Korra, et je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement humain, qui a beaucoup de défauts et qu'on voit énormément progresser. Et qui doit, pareil, prendre des responsabilités jeunes, mais pas les mêmes types de responsabilités, et qui est très intéressant aussi, tout en étant à la base une femme forte physiquement. Elle va devoir gérer émotionnellement avec des choses qui sont, psychologiquement parlant, assez aberrante dans un dessin animé pour enfants. On a une expression, nous, dans nos communautés, c'est « it's a kid's show », littéralement, c'est un show pour enfants, c'est un dessin animé pour enfants, et quand on voit certains plans de Korra ou de Avatar, c'est douloureux. Oui. Il y a des plans qui eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Lucille Alesson, Cédric Depape et Maxime Martinez, merci. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de découvrir ou redécouvrir Avatar, le dernier maître de l'air, et également la légende de Korra, même si c'est beaucoup plus difficile de la trouver parce qu'elle n'est pas encore diffusée sur des plateformes de streaming. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou, comme d'habitude, sur Twitter. Vous pouvez parler avec moi directement avec le hashtag BlockbusterEFI. Tu es aveugle ou quoi? Aang nous a apporté quelque chose qu'on avait oublié depuis des années. La gaieté. La gaieté? On ne se bat pas contre les fils du feu avec la gaieté. Tu devrais essayer, ça marche. Lundi dans Blockbuster. Un monde dans lequel les jouets parlent. Sauf les sextoys qui préfèrent ne rien dire. Un univers dans lequel Buzz l'éclair, c'est un nom d'astronaute. Pas un pseudo Tinder. Tu es chez moi, le lit c'est mon territoire. Un film beaucoup trop genré où Madame Patate a un accessoire de plus que Monsieur Patate. De la charge mentale. Lundi, on parle de Toy Story. Vers l'infini. France Inter.